On change complètement de décor maintenant. On s'en va en Bolivie où, avec les deux tiers de sa population qui vit sous le seuil de la pauvreté, régulièrement secouée aussi par des crises politiques, la Bolivie a toujours été un pays de migration. Mais un phénomène récent inquiète les autorités boliviennes. La migration est en forte hausse ces dernières années et elle a tendance à se féminiser. Entre 2001 et 2009, le nombre d'immigrés boliviens présents en Espagne a été multiplié par 34. Une étude toute récente montre également une féminisation de la migration due à la crise dans le secteur espagnol de la construction. Donc, les femmes représentent aujourd'hui 56 % de la population bolivienne qui vit en Espagne. Cette situation-là engendre des conséquences particulières dans une société fortement machiste où les enfants d'immigrés souffrent de leur statut. Et face à ce phénomène, le gouvernement bolivien promet des programmes d'incitation au retour, alors que la manne financière envoyée annuellement par les migrants sert de palliatif à la pauvreté. La Bolivie sans bolivienne, un reportage de Reza Nourmahmoud. Hola. Hola, mamita. Ya, ¿cómo estás, mamita? No, pues no eso, mami. Paola, étudiante en commerce, habite chez sa grande-tante à Villa Fatima, un quartier populaire de La Paz. Comme chaque semaine, elle parle au téléphone avec sa mère qui, elle, vit à Madrid. Maman, au cas où on ne se parle pas ce soir, je te souhaite un joyeux Noël. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Ne sois pas triste, d'accord? Ne pleure pas. Au revoir, maman. Ciao, mamita, un beso grande. Mi mamá hace ya cuatro años con el año que viene. Ça va faire 4 ans que ma mère est en Espagne. Elle est femme de ménage dans une maison. Quand elle est partie, je me suis sentie comme si elle m'avait jetée dans une piscine, alors que je ne savais pas nager. Et j'ai dû sortir de cette piscine par mes propres moyens. J'étais complètement dépendante de ma mère. J'ai donc dû devenir plus mature. La situation économique ici est difficile, mais grâce à son appui, j'ai pu aller dans une université privée. J'aimerais tant être là-bas avec elle, mais ce n'est pas possible. La sœur de Paola vit également en Espagne et son père au Paraguay. Mais la situation de sa famille est loin d'être un cas isolé. 20% des Boliviens résident en effet à l'extérieur de leur pays. Si auparavant les destinations privilégiées étaient le Brésil, l'Argentine et les États-Unis, c'est désormais l'Espagne qui est en tête des pays d'accueil. En à peine 10 ans, la population bolivienne y est passée de 3 000 à plus de 250 000 personnes, avec un phénomène nouveau, une migration en majorité féminine. Mónica Corona fait partie de la fondation Abriendo Mundos, qui a réalisé une étude globale sur ces femmes andines migrantes. El fenómeno tradicional de la migración en América Latina, por lo menos, es que es el hombre. Traditionnellement, en Amérique latine, c'est l'homme qui émigre et qui ensuite fait venir sa famille. Mais durant les 10 dernières années, on a assisté à un processus de féminisation de la migration. Ça s'explique par les crises dans les pays d'origine et par la pauvreté. De plus, en Bolivie, 25 % des familles ont une femme à leur tête. Et ce sont elles qui doivent résoudre les problèmes économiques et matériels. En même temps, il y a en Espagne et dans l'Union européenne un vieillissement de la population. Les femmes trouvent plus facilement un emploi et un meilleur salaire. Ces épouses et ces mères qui quittent le territoire bolivien ne partent pas uniquement pour des raisons économiques. Dans un pays où l'an passé, plus de 10 000 cas de violence contre des femmes ont été recensés pour une population de 10 millions d'habitants. Les femmes qui migrent en Espagne ne sont pas des analphabètes et ne proviennent pas des régions rurales. Ce sont des femmes de la classe moyenne ou moyenne basse, avec au moins une formation technique. Elles sont, par exemple, infirmières, professeurs. On pourrait se demander pourquoi une avocate voudrait aller en Espagne pour s'occuper d'une personne âgée. Malheureusement, en raison du gouffre économique entre les deux pays, une femme aura un meilleur salaire en assistant une personne âgée là-bas qu'en étant avocate ici. Et quand on demande aux femmes pourquoi elles ont émigré en Espagne ou en Italie, plusieurs nous donnent comme raison l'amélioration de leurs conditions économiques. Il y a aussi le fait qu'elles aient été victimes de violences dans le couple, de discrimination et même de contrôle de la part des parents ou du mari. La féminisation du phénomène migratoire en Bolivie a des répercussions particulières dans la société locale. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vous avez parlé avec votre mère? Oui, nous avons parlé avec elle dimanche. Elle nous a appelés comme chaque week-end. À La Paz, dans les locaux d'Amibé, l'association des émigrés boliviens en Espagne, on travaille justement avec les membres des familles restées au pays. Aujourd'hui, Wilray Arandia, le psychologue, reçoit 3 jeunes dont la mère vit depuis 4 ans à Madrid pour effectuer un suivi psychosocial de leur situation. Tu es à l'université, c'est bien ça? Oui, et heureusement, cette année, je me suis motivé à nouveau et j'ai pu avancer dans pas mal de matières. Quand ma mère est partie, j'ai eu une grosse dépression. Je n'arrivais pas à me concentrer en classe. J'étais triste et j'ai pris du retard. Là, ça va mieux et je dois finir l'université dans 1 an. Travaillant au quotidien avec les enfants des migrants, Wilray Arandia dénonce le refus de la société bolivienne d'ouvrir les yeux sur le phénomène migratoire. Se valora demasiado a la familia idealizada, ¿no? Papá, mamá, hijos. On idéalise trop la famille classique, papa, maman, enfant, alors qu'il y a une incroyable diversité de familles dans notre pays. Mais les valeurs inculquées par ceux qui sont en charge de l'éducation restent collées à cette famille supposée idéale. Et donc les autres font l'objet d'une certaine exclusion. Par exemple, on va leur dire « Tu n'as pas de maman, ta maman ne t'aime pas, c'est pour ça qu'elle est partie. » Ou encore « Quel genre de mère laisse ses enfants à la garde de n'importe qui ?» Les enfants qui ont dit ça le reçoivent comme une attaque frontale contre eux et leur famille. Et il y en a beaucoup qui ne disent pas que leurs parents sont émigrés pour ne pas être jugés et exclus. Muchos de ellos no comentan para no ser sancionados, excluidos, etc. Les Boliviennes qui décident de s'exiler savent bien le déchirement vécu par leur famille. La décision d'émigrer est d'ailleurs le plus souvent prise collectivement avec le calcul d'un budget et un retour programmé généralement au bout de 3 à 5 ans. Un plan élaboré en famille et que les femmes suivent à la lettre, contrairement aux émigrés hommes. Monica Corona. Dans l'enquête que nous avons menée au Pérou, en Colombie, en Équateur, en Bolivie et même en Espagne, nous avons constaté que les femmes envoient en moyenne 40 % de leur salaire à leur famille, contre 14 % pour les hommes. Dans le cas de la Bolivie, le pourcentage monte même à 60 %. Malgré les difficultés qu'elles rencontrent, les femmes envoient plus d'argent de manière plus disciplinée, mois après mois et en plus pour une période fixe. Nous avons vu qu'après 2 ou 3 ans, les hommes commencent à envoyer moins d'argent. Ce n'est pas le cas avec les femmes. Cet argent envoyé par les émigrés représente une somme considérable pour la Bolivie. Il constitue même la seconde rentrée financière après les revenus de la vente des hydrocarbures. Les femmes y participent pour près de 60%. Un flux de devises qui n'est pas forcément une sinécure pour le pays, explique Alfonso Inorosa, directeur du régime consulaire bolivien. 60% de ces remesas 60% de l'argent envoyé par les immigrés à leurs familles va aux besoins quotidiens, à l'alimentation et aux dépenses nécessaires pour boucler les fins de mois. Ce n'est que rarement que cet argent sert à des économies ou à une utilisation productive. Il ne diminue pas la pauvreté. Il la rend plus facile à supporter, mais il ne permet pas de vaincre cette pauvreté qui force les gens à immigrer. Et puis, ce sont des capitaux privés. Nous ne pouvons pas aller dire à ces familles appauvries ce qu'elles doivent faire avec leurs revenus. L'argent des migrants ne doit donc jamais remplacer les politiques de développement. Il arrive également que les migrants ne profitent pas de l'argent qu'ils ont gagné à cause de situations familiales rendues instables par la séparation. C'est ce qui est arrivé à Émilie, une jeune femme de la ville de Santa Cruz. En 2006, elle part travailler en Espagne. Pendant 2 ans, elle assiste à domicile des personnes âgées dans la banlieue de Barcelone. À son retour, elle découvre que l'argent qu'elle a envoyé à son mari, resté en Bolivie, s'est envolé. Là-bas, je gagnais 1000 euros et j'envoyais 800 euros chaque mois. Moi, je me débrouillais avec 200 euros. Mon problème, ça n'a pas été l'Espagne. Mon problème, ça a été le retour en Bolivie. Pendant que j'envoyais de l'argent pour payer la dette, ici, l'argent était gaspillé. Et quand je suis rentrée, j'ai trouvé mon foyer détruit. Mon mari était parti et mes enfants étaient tout seuls. Ça a été très triste et j'avais honte parce que les gens me critiquaient dans la rue. Ils me disaient que je n'aurais pas dû partir, abandonner mon foyer, que si je n'étais pas partie, mon mari ne m'aurait pas quittée pour une autre. Je suis arrivée ici sans travail et sans un centime. Et maintenant, je dois lutter toute seule pour élever mes 4 enfants qui sont tout petits. Parfois confrontées à un retour au pays difficile, les femmes sont aussi les plus vulnérables face aux politiques migratoires mises en place par les pays européens. Des politiques de plus en plus répressives que condamne Alfonso Hinojosa. Assumimos que la migración es un derecho. Nous considérons que la migration est un droit et donc elle doit être accompagnée de la mise en place de politiques dirigées vers les personnes et non vers les capitaux. Je crois qu'il est également important de faire référence à la dimension historique du thème. L'Amérique du Sud a été durant des années réceptrice de la population européenne et nous n'avons jamais établi de restrictions à la présence européenne. Mais quand nos compatriotes vont là-bas et participent au développement de ces pays, le traitement qu'ils reçoivent est lamentable. Il y a une escalade restrictive quant aux droits de ces personnes et encore plus pendant des périodes électorales. Les migrants sont alors les boucs émissaires et cela nous inquiète. Les Boliviennes en exil, Luis Rico en a connu lors de ses tournées autour du monde. Ce chanteur bolivien, populaire et engagé, a sorti l'an passé un disque intitulé « Femmes » pour rendre hommage, dit-il, à leur courage. Pesa que pesa el mineral. La mujer es el puntal de una familia boliviana y a pesar de eso siempre hay machismo respecto de ella, ¿no? La femme, c'est le vrai pilier de la famille bolivienne et malgré cela, elle subit le machisme. Les femmes qui quittent le pays se demandent toujours qu'est-ce qu'elles pourront bien faire si elles reviennent. Alors elles prolongent leur absence un petit peu plus et elles continuent de laver plus de toilettes, elles continuent d'assister plus de personnes âgées et elles continuent d'exercer aussi les travaux les plus précaires. Mais toujours avec cette attitude d'économiser chaque centime pour pouvoir rentrer en Bolivie avec un projet. Ce qui demeure toujours, c'est cette insécurité. Sécurité quant au retour en Bolivie. Et ça, c'est réellement douloureux. Je crois qu'il convient donc de rendre hommage aux femmes qui sont là-bas, avec cette chanson par exemple. À travers de cette canción, por ejemplo. Déjame afinar un poquito. Suite à la crise économique qui a frappé l'Espagne en 2008, les possibilités d'emploi et les salaires proposés aux Boliviennes ont fortement baissé. Nombre d'entre elles ont donc décidé de revenir au pays, même si la situation économique y demeure très précaire. Le gouvernement d'Evo Morales a lancé un programme d'incitation au retour et assure que les opportunités de développement sont meilleures que par le passé. Si ce n'est pas le cas, nul doute que les Boliviennes se chercheront un autre Eldorado à l'étranger pour subvenir aux besoins de leur famille. C'était un reportage de Reza Nourmahmoud en Bolivie.